Bonsoir. Eh bien, où est-ce que vous êtes? De toi, Diabo pas sur les stratégies pour subsaner la pauvreté et la désigualité. La question, c'est pour mon Mexique, mais pour fonctionner pour tout le monde. Destiner un orçament de manière institutionnelle pour l'enfant. Combien toute la vie de l'enfant. Mais que l'enfant avait 10 ans, l'orçament serait combien en fonction des promesses scolaires. Depuis de 10 ans, l'orçament c'est combien en fonction des promesses scolaires. L'enfant doit s'assurer une promesse de 8 pour le mois et pas doit disqualifier ni son matière en la période. L'orçement sera plus important du pain. Si nous parlons de l'éducation basique, si nous parlons du lycée, si nous parlons de la fac, en la propose, tout l'enfant y a la possibilité d'obtenir leur examen durant 25 ans à lo large de toute la vie d'étude de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte à lo large de 25 ans. Non posso arriver con l'orçament à diminuer la pauvreté et la désigualité en le monde. Comme j'ai parlé, la question est pour mon Mexique, mais pour définir pour tout le monde. Je crois que c'est une bonne idée. Merci beaucoup.